De toi, ça va les zinzins. Tout est prêt pour vous accueillir avec vos dédicaces aujourd'hui. Ah, j'ai un petit peu en avance. Et il y a une grande playlist. Hein. Le problème, c'est que vous étiez nombreux à demander les titres. Ça va la zinzin family? Ouais, salut la Zinzin Family là! Ouais, c'est votre playlist ce matin, hein, si vous avez laissé un titre sur Messenger ou sur mon mur Facebook. Oh Marine! Bah alors, on ne voit plus dans les soirées! Alors ce matin, c'est une spéciale playlist, la vôtre justement, que vous avez sélectionnée. Et j'ai spot dans la gueule depuis tout à l'heure, voilà. Voilà, vous avez sélectionné une playlist. Donc bah je les ai mis par ordre à peu près, hein. On va essayer de jouer tous vos titres. Donc on va peut-être déborder un petit peu aujourd'hui, hein. Moi pas de titre. Ouais j'ai vu Laurent, il n'y a pas de titre toi. Hein. Voilà. Bon j'ai des titres qu'on m'a demandé, donc bah, je vais jouer. Hein. Voilà. Ouais, il y en a pas mal, hein. On va essayer de tenir le coup avec tout ce qu'on a. On va commencer avec du up tempo, du haut tempo. Let's go crazy, ouais il est dedans, il est dedans. Salut Olivier, il est dedans Prince, hein. Christelle aussi, les Queens, il est là. Voilà, vous qui avez demandé un titre sur Facebook, bah j'ai fait une petite playlist pour vous faire plaisir ce matin. Et puis on va pas tarder à démarrer parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Je pense qu'on va peut-être déborder un petit peu, donc votre titre normalement devrait être joué si vous l'avez écrit sur mon Facebook, ça va, vous êtes bien les confinés? Bon, Christelle, l'esthéticienne. Ouais, on va démarrer avec un titre des années 80, une reprise 2019. Elle s'appelle Corinne Hermès. Cette fille, je crois qu'était à l'Eurovision. Ouais, l'Eurovision. Et c'est pour Eric, le premier titre, pour Eric, mon pote Eric, qui va nous regarder, je pense. J'espère qu'il va être là. S'il n'est pas là, bah, tant pis pour lui. Hein. Parce qu'on démarre avec celui-là. On aura Nick Amen aussi pour Stéphanie, et puis mon pote Benoît Billard qui va arriver. On aura aussi DJ Dado pour Dom. Ouais, on aura Ride It, Regarde. Ça, c'est pour Laetitia. On aura DJ Zinzin pour Stéphane. On aura DJ Dado avec Dom pour Dom. Mon Dom, mon Dom, mon Dom, mon Dom. Christelle qui a demandé les Queens, par exemple. Laetitia qui a demandé Ride It de Regarde. Et voilà, donc voilà quelques petits dits. Sabi qui a demandé Bob Marley Rose, qui a demandé Catherine, je crois, de mémoire, à peu près. Voilà, j'ai fait une petite. Ouais, j'ai une petite playlist là qui est là et là. Et puis bah on va essayer de les jouer un petit peu dans le tempo ou pas. Bon, on s'en fout, c'est pour vous en tout cas. Cette playlist vous est dédicacée. Voilà, c'est pour toi. Rose, ouais, Catherine, des bisous, je crois que t'es dedans aussi. J'ai cru voir ton nom. Ouais, elle est là, Catherine, Rose. Le chanteur Catherine avec des bisous. Alors forcément, il y a peut-être des titres que vous n'allez pas connaître, je ne sais pas. Mais bon, après, je respecte la playlist hein, qu'on m'a donnée. Il y a des slow aussi, il y a We Are the World. Ouais, ça c'est énorme, ça sera pour Gérard. Il y aura Mike Brandt avec, je ne sais plus le titre, mais bon, il y a Mike Brandt qui est prévu. Et Vol de Céline Dion pour mon ami Antoine. Voilà, donc une playlist qui va être pas mal. Il y aura de tout. Et voilà, Didier qui est là aussi. Salut Didier, j'espère qu'il va bien. Et puis le numéro qui est là, hein, vous pouvez me joindre aussi au standard. C'est moi le standard. Salut Xavier, j'espère que tu vas bien, mon Xavier, ça va. Votre playlist qui est faite et on va démarrer tout de suite avec eh ben, Corinne Hermès, Dessine-moi 2018. C'est pour Eric. Alors à chaque fois je ferai des dédicaces en même temps que le titre arrive, ok? Et ben c'est parti, je cherche mon casque, il est là. On va démarrer tranquillement. Rose, c'est Catherine. Voilà, Sébastien l'a demandé. Non, pas Sébastien. Séverine a demandé les lacs du Connemara, par exemple. Voilà, donc des titres qui vont arriver au fur et à mesure de ce que vous m'avez laissé. On aura Rodrigo Hayes avec Je te le dis quand même. Pour Christiane, on aura Michel Tello, Lossa, Benoît Billard qui nous a demandé Nick Amen. D'ailleurs, Nick Amen qui va arriver au début, avec juste après Eric Varenne qui nous a demandé Dessine-moi. C'est parti, la Zinzin Family. On commence avec celle qui participe à l'Eurovision, je crois, si je ne me trompe pas, dans les années 80. C'était Corinne Hermès et arrive Nick Amen pour Eric. Dessine-moi 2018. C'est parti. On se prend pas la tête. Ah, juste avant, on va prendre la photo. Allô? Allô, allô, salut, salut, c'était Didier, c'était pour faire un petit coucou, voici la ligne fonctionnait. Et ben voilà, tout fonctionne bien, mon Didier, hein? Voilà, voilà, on n'enlève pas une équipe qui gagne. Ouais, d'accord, ok, mon Didier. Alors, bah, aujourd'hui, c'est à la demande, alors, c'était sur la playlist demandée, alors. Alors, il y a un peu de travail, parce qu'il a fallu que je mette tout dans l'ordre, et puis que je les classe, à peu près, hein, voilà, ok. Alors, bah, ça t'a donné un petit peu de travail, bah, c'est parfait, ok, bah, ça fonctionne. Voilà, allez. Salut. À très bientôt, ciao, ciao. Voilà. Alors, ouais, Benoît, ouais, le titre est de 89, mais c'est une version remixée de 2018, voilà, décide-moi pour Eric. Salut la famille, salut Eric à Olivier. La version 2018 Benoît, et après Dicamène qui arrive. Je n'attends plus que toi. Dessine-moi du bout de toi. Dessine-toi pour contre moi. Comme un appel, il prend la vie. Sous les regards sains. Dicamène qui arrive pour Benoît. Ça va les zinzins? Ça c'est pour Benoît, salut Benoît. Salut Stéphanie, c'est pour vous ça. Spécial playlist, c'est vous qui l'avez fait la playlist aujourd'hui hein. Benoît, 30 ans ce titre, hein. C'est pas une ride, hein. L'été 90, pour mon ami Benoît et Stéphanie, Dicamène, I promise myself. Salut les zinzins! aujourd'hui c'est votre playlist, ça c'est pour Marie-France. Salut Marie-France. Vos dédicaces aujourd'hui. Belle journée à tous les hospitaliers qui sont là. Salut Marie-France, salut Christelle. Spéciale dédicace, c'est votre playlist aujourd'hui. Voilà The Rivers. Je vais comme Bob Sinclair, je vais parler en anglais. Hey, are you ready? Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts? Ok? Check it up! Salut les zinzins, c'est pour Marie-France celui-là. Le titre c'est I Follow Rivers. I Follow Rivers. Benoît, voilà le titre. C'est pour Marie-France qui nous regarde. Salut Marie-France. Follow the rivers. C'est vos dédicaces aujourd'hui. Laetitia, disque à la demande. Salut Laetitia. Regarde, write it. Ça c'est pour Laetitia, salut Laetitia. Ça c'est pour Laetitia, salut la Tunisie, salut la Réunion. Laetitia, pour toi, I love you. On se prend à la radio à l'époque, 22h, 6h, les disques à la demande sur Énergie. Salut Patricia, au titre, en jouant en live. Ça va Laetitia, envoyez du cœur là. Allez, c'est pour l'hôpital. Are you ready? Paris, London, Tokyo, Ibiza, Orléans. Why it pour Laetitia qui est là. Salut Laetitia, voilà. Oh, pour toi, Laetitia, ça. Violet. Ça, c'est pour mon ami Dom. DJ Dado. On est à Orléans aujourd'hui. Et ta radio fait du bruit. C'est votre playlist qui arrive. Marie-France, on l'a joué, hein, Fall Rivers. Salut Rick. Salut les Zazas. Votre playlist, il y a de tout aujourd'hui, hein. Il y a même MC Gamma pour Hardoise du Cap d'Agde qui s'appelle Je t'emmerde. Allez, bienvenue à la Zaza Family. À la vôtre. Et c'est du vrai, hein. Voilà. Bonne dégustation, les familles. Elle est collector, celle-là. C'est pour Dom, mon ami Dom. Salut la Réunion. You just have to wait and see. All my love is there. All my love is there. Take my hand. Oh, oh, oh. Bon, j'espère que vous êtes bien connectés parce qu'il y a des souvenirs qui arrivent aussi, hein. Il y en a pour tout le monde. J'ai pris votre playlist, hein, je l'ai recopiée, je la joue actuellement. Salut La Réunion, ça va La Réunion, il fait beau. Salut Djerba, ah yeah. Il y a le numéro pour ceux qui veulent passer en direct, il est là, vous m'appelez. Je vous prends direct à l'antenne. Il y a votre playlist aujourd'hui. José, il y a ton titre. C'est Roi de Magan. Ça, c'est la playlist de Jennifer aujourd'hui qui nous regarde. Shalom. Jennifer qui est là. Salut Jennifer. C'est votre playlist que je joue en direct. C'est votre playlist. Espagne, au c'est votre playlist aujourd'hui. De a su manera, ole, ole, ole. Será que muere la vida entera. María got some brava, that beauty bon flava. She works some brava, Dolce en Gabbana. Ella no es mala, solo picada en la cama. La mujer latina llama con mi niña de Habana, Costa Rica, Venezuela, panameña y mexicana. Ya yo tengo mamá. María, María, ça c'est pour Joseph qui a 45, Maria Juan Nagana. Santé la famille. C'était pour José de Cap 45, là, vos dédicaces ce matin en direct à la radio. Et puis nous Portugal, direct avec les bonus. Au Portugal pour Stellana. Portugal, au Brésil. Pour Stellana qui nous regarde, salut Stellana. C'est vous qui avez fait la playlist aujourd'hui, hein. Pisto salão, solta o cu, bate na palma da mão. E quando toca o funaná, vamos gritar, uelele, braço joar, xalala, ai, ai, ué. E quando toca o funaná, vamos gritar, uelele, braço joar. C'est votre playlist aujourd'hui pour Stellana au Portugal, au Brésil. Excellent qui a demandé le Brésil, on peut chanter. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. C'est votre playlist. Se eu te pego, ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Vai, nossa. Sábado na balada. comecei a falar. Como é que ela é? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você. Salut la famille, on dirait que la radio. Michel, c'est là au Brésil, ça c'est pour Alexandre. C'est votre playlist ce matin. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. C'est vous qui avez établi la playlist la semaine dernière pour Alexandre Michel Tello. Il est auteur-compositeur, Senorita et la Rive Christophe Malero, Radio Acacia. Pour Christophe, au Portugal. Du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. En tout rien de confidentiel, tu mérites un amour inconditionnel. Señorita, tu dois tomber du ciel. Tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Cette demoiselle m'a donné des ailes. Y'a quelque chose chez elle d'inhabituel. Sous ses ailes de señorita, latina au bout du sens. La chaleur de l'été. Son latino, ton déhanché, commence à tout enflammer et bouscule mes pensées. Ouais, Achata et Mérigue, sur la piste en route que tu lances. Sur ses mélodies cadencées, c'est le moment de tenter ma chance. Ça reste tes pieds, et pour t'y mémoire, quiero ver tu cuidanza, y tener tu corazón, porque te quiero. Comme un rayon de soleil, entre une gaine de confiance, tu mérites un amour inconditionnel. Señorita, tu dois tomber du ciel, tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Cette demoiselle m'a donné. C'est le Portugal là, Christophe Malero. Hoppa! Dans mes pensées, señorita, tu es déjà rien qu'à moi. Ta beauté me fait rêver. Quand tu me lances ton beau sourire. Vous avez été nombreux à demander les titres, hein. Tous les seuls. On est plein. Recherché depuis. On va déborder, hein. Je suis comme un sorcelé. Que j'en perds, on n'a pas fait. Sabes que te quiero. Que por ti me muero. Quiero ver tu cuerpo balançar. Y tener tu corazón. Que te quiero. Que por ti me muero. Quiero esta noche hasta el fin. Tu cuerpo solo para mí. Señorita, tu dois tomber du ciel. Tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Entre une gaine de confidentiel. Tu mérites un amour inconditionnel. Señorita, tu dois tomber du ciel. Tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Cette demoiselle m'a donné des ailes. Y'a quelque chose chez elle d'inhabituel. Señorita. Comme un rayon de soleil, entre une gaine de confidentiel. Tu mérites un amour inconditionnel. Señorita, tu dois tomber du ciel. Tu m'éblouis comme un rayon de soleil. Cette demoiselle m'a donné des ailes. Auteur-compositeur, c'est pour lui, c'est sa chanson. Christophe Maillot avec Señorita. Et ça, c'est pour Isabelle. Salut Isabelle, salut Delphine. On y va. Isabelle a demandé Last Anew LMP. Beaucoup de titres qui arrivent, hein. C'est votre playlist ce matin. Hey, c'est pour Isabelle, hein. Ah, si vous êtes pas dans la live, tant mieux pour vous, hein. Je vais tourner la playlist, hein. C'est votre playlist en direct. LNP, La Sanyu, la version salsa. Forcément votre titre qui va arriver. Gérard, t'inquiète pas, Where the World, il arrive aussi. Rose aussi, Catherine. C'est votre playlist ce matin, c'est vous qui avez fait la playlist. Et on va déborder grâce à vous, hein. Salsa, salsa. Pour Isabelle. Dédicace pour Corinne. On se fait tous unir. Allez Coco, c'est pour toi. Pour aller bien. Voilà famille là. À l'horizon. Hoppa. Pas de boulot. Allez nous, tous à la vie, Gitanes. Les cons. Allez Gitanos. Voilà Gitano. Ouais. Alors on traque un peu de joie pour porter le... Ça c'est pour Coco. Salut ma Coco. Et demain l'horloge s'arrêtera. Wouh. Comme dirait Georges, ça va de soi. Allez. Venir à faire la fête, venir à faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. Venir à faire la fête, venir à faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. On pense à pleurer sa monstrée dans nos valises. C'est du temps qui passe le dos, qui nous le brise. Hey, oubliez l'horloge qui tourne et nous tue. C'est pour toi, ma coco, celui-là tu l'as demandé, hein, sur ma page. Bien entendu. Ça va, Stéphanie, t'inquiète pas, il arrive Prince, hein. Il est tout préparé. Pour se vider la tête. Normalement, j'ai rien loupé. C'est vos titres, hein, qui arrivent. Faites, on ira faire les rois. Pour se vider la tête. Allez là, pour oublier. Pour oublier. Ouais, bah, la famille, hé, hey, les hommes là. Pour oublier. S'il y en a un qui veut m'appeler en direct, le numéro est là, hein. Vous voulez faire votre dédicace en live, le numéro est là. Vous le notez, vous m'appelez et je vous réponds. Y'a plus ni futur ni passé. Y'a plus ni futur ni passé. Y'a plus ni futur ni passé. Hé, hey, passé, passé. Y'a plus ni futur ni passé. Y'a plus ni futur ni passé. Allez tous ceux qui sont dans les caravanes là. Ouais. Ouais. Oh copain. Ouais copain. Allez copain. J'arrive au fur et à mesure, hein, parce qu'il y en a pas mal, hein. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Et je voulais saluer aussi tous les soignants de l'hôpital de Maison à ce mois. Je leur fais un clin d'œil, salut Annelise. Big up à eux qui bossent, qui bossent, qui bossent, hein. Et on les oublie de, des fois, c'est vrai. Salut de Maison à Floride ce mois, salut la famille. Salut les zinzins, ben, c'est pour Christiane les Sétitiennes. Forcément, il devait être là, Rodrigo. Puis Bob Marley qui arrive pour sa bise. Ça, c'est pour Christiane, l'esthéticienne. Et puis Bob Marley pour sa bise. Celui-là est obligé qu'il soit là. Ah ouais. Lugar total para decir que a lo mejor te vas, que tenemos que ser sonreír o llorar. Bob, qui arrive, prépare les oranges. Un jour on va se quitter comme ça, comme des confonds de café. Oh, oh, oh. Pour Christiane, celui-là, je te le dis quand même, mon poteau Rodrigo Hayes. Allez! T'as vu, hein, je respecte la liste, hein? Tout le monde aura son titre, normalement. Je voulais quand même te dire merci pour tout le mal qu'on s'est bâti. Oh. Ah, le prince, il arrive. Hein. Certains les connaissent déjà. Je m'en fous, je les aimais pas. M'en fous, je les aime pas. On avait l'air trop bien, y'en a qui supportent pas. Salut la Réunion, 974. Ah, il est là, Rodrigo Hayes. Faites du bruit pour Rodrigo. Ouais, t'en veux. Allez, prépare tout là. Salut Stéphanie. Je t'aime. Salut Rodrigo. Ouais, Sabine, prépare-toi, on va y aller, ma soeur. Je vous ai promis votre playlist, elle arrive pour Samy qui nous regarde. I love you. Ouais. Mes frères et mes soeurs, tranquille, ouais, t'en veux. Ça c'est pour Samy qui nous regarde. Bon anniversaire Max, à Pubarzé mon ami, j'ai vu ça tout à l'heure. Allez les amis, ouais, distribuez un peu là. C'est votre playlist ce matin en direct à la radio. 22h30, 6h, les disques à la demande sur Énergie. Deux éléphants passés. Et deux souris qui courent dans l'herbe. Ouais, la famille. Ouais, tranquille. Putain, je suis Gilbert Montagné, je vois plus rien. Sur la numéro 1 des radios, avec du son caliente. Et lui, c'est Marc qui l'a demandé ça du côté d'Orléans. 1, 2, 3, 4. C'est votre playlist ce matin pour Marc qui nous regarde. Get on up, like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the... Et Prince qui arrive pour Stéphanie. Sex machine. Let's go crazy. Let's go. Get up, get on up. Stay on the scene. Woo-hoo! Wait a minute, shake your arm, shake that arm. Use your palm, stay on the scene, like a sex machine. Woo-hoo! You got to have the feeling, sure your bone, you did it together, right on, right on. Get up, get on up, get up, get on up. Stéphanie, ça c'est pour Marc. La famille des Zinzins, la playlist officielle des Zinzins, c'est pour Stéphanie, notre chroniqueuse, Prince, let's go crazy. Ça c'est pour les vrais. Prince. Woohoo. Pour les connaisseurs, Prince. C'est pour notre chroniqueuse Stéphanie Bier. Un petit mot pour elle. C'est pour Stéphanie Bier, ça, la chroniqueuse de la radio. Voilà. Come on, baby. Ah, c'est pour les vrais, ça, hein. Quel personnage, quel bonhomme, Prince. Hommage à Prince pour Stéphanie Bier, la chroniqueuse. Quel bonhomme! Waouh, c'est du beau! Nora qui nous regarde. Eh, hey, ça réveille, hein. George Michael et Wham. Salut les Zazas. Quelle émission. Bon, qui va m'appeler là sur le numéro de la biche là? C'est un petit direct. Ça déboîte. Déboîte à canard. Ça c'est pour Nora qui nous regarde. Salut Nora. Bon, qui va m'appeler le premier qui m'appelle là? Il y a un 07 qui est là. Au top ce matin. Salut les Zaza Family. Pour Nora, Wake Me Up, George Michael et Wham. Christelle, prépare-toi, il y a les Queens qui arrivent, il y a Nirvana qui arrive. Il y aura des slow, il y aura du hard rock aussi, on nous a demandé du hard rock. Puis il y aura d'autres choses encore. On va déborder un peu aujourd'hui. Hein. C'est votre playlist aujourd'hui à la radio. Salut Gerba, salut les routiers. Il arrive Laurence ton titre, hein. Garry's Gang, il arrive. Il arrive, il arrive. Quelle année des années 80 quand même. Le meilleur des souvenirs pour Stéphanie qui est infirmière, qui nous regarde. Salut Stéphanie. Blue Monday, New Order. Et je n'aurai Garry's Gang qui arrive pour Steph. Pour Laurence. Du vrai son. Ah, c'était du boulot, on va tout mettre en ordre. C'est votre playlist. Ah, Ça va passer là, il m'appelle tout de suite, on la passe en direct. Gérard, ça arrive, hein, World Roll, c'est à la fin. Laurence, t'es préparé, Laurence, Gareth Gang pour toi. Ce que tu m'as demandé normalement, t'arrives juste derrière, époque funk. C'est votre playlist ce matin, c'est vous qui avez choisi la musique. Vos dédicaces à la radio en direct, et puis Laurence t'a demandé le son funk. Avec Gareth Gang, Stop Me Hot. Wouhou! Funky Music! Hoppa! À la radio, Funky! À tous les anciens là! Ça c'est pour Laurence! La bonne époque des boules à facettes! Avec Gareth Gang, Stop Me Hot! Les Queens pour Christelle. Derrière, bougez pas la famille. J'ai préparé toute votre playlist, c'est votre playlist, hein, tout est joué en direct. Alors si on est coupé, je reviens. Hein. Ok, vous revenez aussi si on est coupé. Hein. C'est pour Christelle qui nous regarde. Salut Christelle, les Queens. Allez, jusqu'à la fin. Ça c'est pour Christelle, salut Cricri. C'est l'animatrice de radio. Y'a Catherine qui arrive, des bisous pour Rose, c'est votre playlist. C'est vous qui avez choisi les titres. I'm gonna get you, I'm gonna get you. j'ai bossé, hein. J'ai tout noté, tout répertorié. Votre playlist est là ce matin en direct. Avec les slow, il y a We Are The World, il y a Mike Brandt, et avant il y a du son qui arrive. Pour Rose qui nous regarde, salut Rose, Catherine, le chanteur, des bisous. Et Rose, en direct, voici Catherine. On est là pour quoi? On est là pour qui? On est là pour qui? Catherine, c'est pour toi Rose. Elle se prend la tête, on faut qu'est-ce qu'on veut. C'est votre playlist ce matin. Ça c'est pour Rose qui nous regarde. Des bisous Catherine, Philippe. Des bisous. Hey tout le monde, des bisous. Quand on se dit fuck, je te défonce la gueule, tout en insultant et pas mal. Philippe, Catherine, pour Rose qui nous regarde avec plein de bisous. Salut mon dôme, salut Delphine. Ça c'est pour vous, des bisous pour Rose. La playlist, votre playlist aujourd'hui. Des bisous. Et Florent Pagny qui arrive pour Violaine. Ça c'est pour Violaine qui nous regarde. Salut Violaine. J'ai fait des saisons, j'ai traversé la nuit, j'ai filé. Violaine. Et pour Florent. Et pourtant, Rafale devant. C'était là. J'en ai... Et on va se quitter sur les slows, il y a des dédicaces, ouais, il y a des slows. Ah, j'en ai connu. Bougez pas les zinzins. Comprenez rien, et pourtant, c'était là, devant moi. J'avais oublié l'humeur d'un été. Et pourtant, c'est immonde de penser qu'une rafale de vent. C'est votre playlist, hein, les amis, hein, les zinzins là. Vous emportez, et pourtant c'est si bon de rêver. À l'ombre d'un jour passé, d'une vague où le vent pourrait tout balayer. Souffler la réalité. J'ai gardé dans le cœur un espoir lumineux, quelques parfums d'ailleurs pour mes vieux jours heureux. Tout est là. On va déborder, c'est pas grave, c'est pour vous, hein. C'est votre playlist ce matin depuis 11h05. Un peu d'herbe à fumer. C'est vous qui avez choisi la prog. Une fidèle, une poignée de projets. Ça me va. Et pourtant, ça me va. Comme salut Jonathan. Je travaille à l'année. Violaine qui nous regarde, et pourtant Florent Pagny, rafale devant, et on se quitte sur les slums, et puis bien sûr le tube. Ah ouais, pour Eduarda qui nous regarde au Portugal, et voilà. Allez, disque à la demande à la radio. Pour Eduarda, à vous. Pour Eduarda qui nous regarde. Salut Eduarda. Ouais, j'ai tout noté hein. Votre playlist ce matin. Coupé mais je reviens pour la fin. On a été coupé mais je reviens. On a été coupé mais je reviens pour le final. Je suis revenu. Revenez les azas. C'est le final. Découpé, mais je suis là. Revenez les hasards. Le final. Pour Eduarda, celui-là. Je suis resté. Ah, je vais aller me jeter par la fenêtre. Un chigole. Un peu d'humour. C'est Facebook, enculé de Facebook. Je t'aime. Salut la Tunisie. Salut Marie-France. C'est le final, c'est vos titres que vous avez demandé hein, sur internet. Oh, un peu d'humour, allez! Ça, c'est pour Antoine qui nous regarde. Elle est belle, cette chanson. Salut! We are the world, tu arrives pour Gérard. C'est les meilleurs. C'est le final ensemble, la famille. Allez, 15 minutes encore. Elle est belle, celle-là. On a été coupé, mais je suis revenu. Pour Antoine Amos, mon ami, salut mon ami. Trop de misère change d'univers. Voilà, petite sœur. Voilà, mon ange, ma douleur. Quitte ton corps et nous laisse. Quand enfin, ta souffrance cesse. Joindre l'autre rive. Bah c'est comme si c'était Goldman, hein, c'est lui qui l'a écrite celle-là. Voilà. C'est les dédicaces que vous m'avez demandé. Bougez pas, Weird War qui arrive, et est-ce que tu viens pour les vacances pour Stéphania. Ta vie d'enfant. Eh ouais. Salut la Tunisie. Écrit par Jean-Jacques Goldman. Amour, puisque le Laetitia, ça. Large, je m'appelle Francky, je suis à la radio. Lâche tes heures épuisées. Il y a mon disque d'or avec le collectif. T'es là. Deviens souple, sois collant. Ça va les zazards. Pour t'envoler. Vol, je vole. Putain, je vole. Bonjour. Ouais, je vole. On a joué ton titre, Nora, t'es peut-être arrivé trop tard. Salut Alexandre. Ah, la famille Smithy qui est là. Ça c'est pour Antoine Amos, celui-là, vol. Toutes vos dédicaces en direct. On a été coupé mais je suis revenu, hein. Putain, quelle émission ce matin grâce à vous. Et puis, eh, ça c'est pour Gérard. GG. Le meilleur. Le meilleur. Pour Gérard qui nous regarde depuis tout à l'heure, pour Marie-France aussi. Salut Mike Robert, le collectif métissé. On se quitte là-dessus les amis. Et puis mon petit remix de Est-ce que tu viens pour les vacances. Salut Sébastien Rastol, comment il va mon Seb. C'est plaisir de voir le Nova. Bon, c'est pas trop la zig du Nova, mais on se quitte là-dessus en tous les cas. Et mon remix de Est-ce que tu viens pour les vacances et on y va. Salut la famille des Zazas. Putain, je vole! Allez, à la vôtre! Un petit coup et puis on y va! Salut les enfants! Gérard, c'est vos titres, hein, c'est votre playlist ce matin. Quelle émission radio ce matin encore, hein. Ça c'est pour GG. Salut Delphine. Salut Marie-France. Eh, bougez pas, on se quitte sur mon titre. Le remix de Est-ce que tu viens pour les vacances. Allez Zaza. Yeah. Soyez patient, je vous reprends après. Hein. Allez, je monte. Le final, arrêtez-vous là. Ah ouais. Ah, j'avais dit, ça démarre à 11h. Hein. Allez, je monte. Je porte la terre. Final, mon Gérard, avec ton titre. Ah, GG. C'est le bonus derrière, le remix de Est-ce que tu viens? Allez, we are the best. You are the best. We are the world. Salut les zinzins! Mon petit remix, et puis on y va! Est-ce que vous venez pour les vacances? Bon, on a fait ça! Allez, on se quitte juste après, je vous fais un petit message d'adieu! Au revoir! Allez, tout le monde chante pour le final! Il est beau celui-là! Un petit remix à la Francky pour se marrer, et puis on y va! On va manger! Là, je compte sur vous pour chanter, vous pouvez écrire les paroles en même temps! Allez, on y va! Écrivez les paroles en même temps si vous voulez. Tout le monde chante chez lui avant de manger. Je veux voir tout le monde chanter. Allez, avant le repas, tout le monde chante. Le dernier, 3 minutes. T'as des cheveux jaunes, un crocodile sur ton blouson. On s'est connus comme ça, au soleil, au même endroit. T'avais des yeux d'enfant, des yeux couleur de l'océan. Moi, pour faire le malin, je chantais en italien. Allez, le final. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je vous aime, je t'aime. C'est pour vous celui-là. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Le final! Et nous faire un petit coucou, au revoir! Ça va vous chanter derrière? Je me voudrais penser. A l'époque, j'avais les cheveux longs. Chanson triste, un slow d'été. Je te tiendrai la main. Ou autre chose, je peux te dire autre chose. Hein. Petit matin. Allez, on y va là! Est-ce que j'ai pensé à toi? Les nuits d'hiver où j'avais froid, j'étais un goéland dans les îles de sentiments. Hey! Est-ce que tu viens pour les quasiment entière. Si j'en ai oublié, bah désolé, vous me les renvoyez, puis vendredi on s'en fera une nouvelle, ok? Bah merci de votre fidélité, soyez prudents, salut la Charba, salut Estelle, merci à vous, salut Sabi, bravo à vous, c'était du boulot parce que j'ai tout préparé quand même, c'était une bonne heure de boulot hein, pour tout mettre d'aplat, et voilà, d'aplomb, d'aplat, je te le dis aussi. Salut les zinzins, couvrez-vous, et voilà, je vous aime, bisous, bisous, bisous!